personnes qui ont à cœur l'organisme, mais également aux curieux qui désirent vivre un 6 à 8 ludique. C'est un rendez-vous à ne pas manquer le jeudi 5 novembre prochain, de 18h à 20h, au studio d'essai de Méduse, 591 rue de Saint-Vallier-Est. Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine en art visuel à Québec. Audrey Carreau avec vous pour cette émission spéciale. Il y a beaucoup, beaucoup de monde en studio en ce moment, invités, collaboratrices, et on vous a, comme on vous disait au cours des dernières semaines, préparé un spécial d'une heure, donc sur l'art public à Québec. Et je pense qu'on va tout de suite entrer dans la discussion parce qu'on a beaucoup de choses à jaser ensemble aujourd'hui. Je vous présente mes invités pour cette première portion d'émission. Il y a Lisanne Nadeau, qui est la directrice de la Galerie des arts visuels, mais qui a déjà également été une consultante spécialiste pour le ministère de la Culture et des Communications. Bonsoir, Lisanne. Bonsoir, Audrey. J'ai également aussi Jean-Pierre Morin, qui est artiste. Si on pourrait dire, Jean-Pierre, un vieux routier quand même. Déjà plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le milieu des arts visuels et de l'art public aussi, beaucoup, hein? Oui, en fait, c'est plus que ça. C'est plus près de 40 ans. Plus près de 40 ans. Bon, ben écoute, moi qui voulais te rajeunir, Jean-Pierre. Donc, merci d'être avec nous. Et on a également aussi Ludovic Bonnet, une figure montante dans l'art public depuis qu'on entend beaucoup parler dans les dernières années. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir. Et notre collaboratrice ici à l'émission, Marie-Claire Tremblay. Bonsoir, Marie-Claire. Bonsoir, Audrey. On va commencer justement avec toi pour un peu mettre en contexte les auditeurs parce que, bon, quand on parle d'art public, souvent ce qui nous vient un peu en tête, c'est cette fameuse politique du 1%, donc politique d'intégration des arts à l'architecture. Et j'étais juste curieuse que tu nous fasses juste un petit topo sur qu'est-ce que c'est, d'où c'est parti tout ça, cette historique-là de la politique. Oui, ben d'abord, le 1%, c'est son petit nom familier, en fait, qu'on lui donne. On peut peut-être mentionner le nom exact. C'est la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. Wow! Donc, tout qu'un nom? Oui, quand même. Donc, c'est une politique qui est gérée par le ministère de la Culture et des Communications de la province, qui existe depuis 1961. Et en fait, c'est que lorsqu'on a une construction ou un agrandissement d'un bâtiment public, il y a vraiment 1% du budget qui est réservé à une œuvre, soit extérieure ou intérieure. Et donc, c'était quand même intéressant de noter que, même avant les débuts de cette politique-là, on sent que c'est quand même venu du milieu artistique. Donc, c'est certains acteurs culturels qui ont fait sentir un peu cette volonté-là de voir la naissance d'une telle politique. Entre autres, j'ai compris que Marius Plamondon et Clément Paris, qui étaient sculpteurs et directeurs à l'École des beaux-arts de Québec, auraient rencontré le ministre des Travaux public de l'époque, René Lévesque, et l'aurait en quelque sorte convaincu de la pertinence, en fait, d'avoir une politique de ce genre-là au Québec. Donc, dès les débuts, dès 1961, ça s'applique sous le ministère des Travaux publics. Puis, il y a une énorme évolution quand même de 1961 à aujourd'hui. On peut peut-être mentionner, entre autres, par exemple, les modalités d'application. Au départ, on parle seulement du 1% qui s'adresse aux nouvelles constructions, tandis que maintenant, on parle de réaménagement, mais aussi d'agrandissement. Donc, on voit un nombre croissant d'œuvres apparaître. Aussi. Oui, c'est ça, d'opportunités. Ben, même que je notais qu'avant les années 80, on en avait à peine une centaine des œuvres du 1% finalement. Également, au niveau du processus de sélection, ça, c'est quand même assez important. Je sentais ça dans les documents du ministère. Alors qu'au début, ça reposait plutôt sur les choix de l'architecte, la sélection de l'œuvre. Là, on sent vraiment aujourd'hui qu'un processus très rigoureux, le plus on dit démocratique possible. Donc, on a vraiment un comité de sélection qui est formé de spécialistes, puis de représentants également des parties du ministère. ministère. Des usagers du lieu aussi. Oui, même des usagers du lieu. C'est important aussi qu'il y ait un artiste sur ces comités-là. Donc ça, c'est quand même une évolution qui existe qui est encore valide également aujourd'hui. Puis juste le titre, Audrey et tout le monde, ça note ça. En 1961, on l'appelait la politique d'embellissement. Donc, un mot quand même un peu subjectif, hein, si on peut dire. Alors qu'aujourd'hui, on insiste sur intégration, mais on insiste sur le mot environnement et site. Donc, ça invite à avoir des œuvres qui sont de plus en plus, peut-être, voire installatives ou peut-être voir des pièces, en fait, qui forment une œuvre. Alors que dans les débuts, bon, je constatais beaucoup d'œuvres directement appliquées sur l'architecture. Je pense à des céramiques, par exemple, de Jordi Bonnet. Donc, à ce niveau-là, on voit ça qui évolue. Puis bon, même si on n'a pas modifié en tant que tel le décret depuis 1996, du côté du ministère, on sent toutes sortes d'efforts, si je peux dire, de peaufinement. Il y a des bilans triennaux qui sont sortis, il y a des publications souvenirs dans lesquelles on met en valeur les œuvres avec des photos, des textes. On a même des petits guides un peu plus pédagogiques, par exemple le guide d'application, justement qui permet de mieux comprendre ce processus-là. Puis au final, on peut dire de manière globale que c'est intéressant quand même de se rendre compte que c'est la seule politique provinciale d'intégration de l'art à l'architecture qu'on a ici au pays et qu'elle s'applique partout dans la province, donc dans toutes les régions, ce qui permet à tous les citoyens finalement de côtoyer des œuvres dans leur quotidien d'artistes d'ici. Oui, puis je pense que là, aujourd'hui, le nombre est un peu plus considérable. On parlait de 3200, plus de 3200 œuvres, je pense. 3500 même, je pense. Oui, c'est énorme. Quand même. Oui. Bon, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Marie-Claire, de nous avoir fait un peu ce survol historique de cette politique-là. Et puis, ben sur cette introduction-là, j'ai envie de lancer une question qui est peut-être très ouverte à mes invités ici, mais juste un peu saisir qu'est-ce que c'est pour vous l'art public? C'est quoi votre vision de l'art public? Difficile, hein, quand même. Moi, je pars assez abrupte, mais bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mouiller en premier? Oh, mon Dieu! On réfléchit, je on réfléchit. Je peux peut-être y aller, moi. Oui, vas-y, Jean-Pierre. L'art public, sont les œuvres d'art qui sont mises en contexte où spécialement les usagers, ben en fait tous les usagers, tout le public, tous les spectateurs, tous les passants peuvent être en contact avec des œuvres d'art de façon importante. On sait que l'art public, c'est autant les villes, c'est le ministère de la Culture avec le programme d'intégration des arts et de l'architecture. Et mais de plus en plus, il y a en fait ici au Québec, ça commence où c'est le secteur privé qui commence à intégrer des œuvres d'art dans leur bâtiment ou à l'extérieur. C'est une volonté aussi que de plus en plus le privé puisse s'impliquer dans ça, amener justement dans leurs projets des intégrations à l'architecture comme ça. Oui, oui. Ça se fait beaucoup à Toronto, par exemple. OK. Des promoteurs privés qui font des concours pour justement installer des œuvres d'art d'importance devant leur bâtiment, surtout les nouvelles tours de condos qui se construisent en grand nombre à Toronto. Oui, parfait. Sinon, Lisanne, est-ce que tu as une petite... Ben, c'est une question extrêmement difficile parce qu'en fait, moi j'ai travaillé au bilan des 20 ans du 1% au début des années 2000. Je dirais la planète est complètement différente, le paradigme a complètement changé. Je voudrais juste faire une petite parenthèse que la politique actuelle, elle existe telle qu'on la conçoit là depuis 81. Le titre a changé depuis 81, le fonctionnement, la sensibilité pour cette diffusion régionale, c'est vraiment 81. C'est tout le temps le fun de reculer jusqu'à 61 parce que ça fait des beaux gros chiffres. Là. Oui. On est rendu à 50 ans, mais en fait, tel qu'on le conçoit aujourd'hui avec une volonté de démocratisation de l'art et de soutien aussi aux artistes, faut souligner, c'est 81. Pour revenir à la question, c'est que depuis qu'on a fait ce bilan-là, depuis au début des années 2000, il y a eu une exploration des espaces publics par les artistes, que ce soit avec toute cette vague de l'esthétique relationnelle, de l'investissement, d'espaces désaffectés. On a eu beaucoup d'événements à Québec dans ce sens-là. Donc, la question est très, très vaste, justement parce que à l'origine, l'art public, c'était l'art de la commande, alors que dès les années 90, on a beaucoup, beaucoup d'événements à Montréal, à Québec, dans le réseau des centres d'artistes qui investissent l'espace public. Et aujourd'hui, on a des spécialistes de cette question-là. Qu'est-ce que c'est que le domaine du public? Qu'est-ce que c'est qu'un espace public? Mm-hmm. Il y a même des gens qui travaillent dans le domaine de l'intégration qui disent, en fait, aujourd'hui, notre notion de partage sur la place publique est complètement différente. On est plutôt en présence d'une agglomération de petites unités de solitude dans un espace de passage ou tout ça. Mais donc, c'est très, très difficile de faire une grande définition. Ce serait plus facile pour moi, si tu me posais la question, qu'est-ce que c'est que l'art, où en est rendue la politique du 1%? Mais heureusement, cette diversité-là nous donne des expériences extrêmement pertinentes, enrichissantes, nourrissantes, justement sur notre conception de ce qu'est l'espace public. Oui, exactement. Puis c'est ce qui est intéressant quand on fait le tour un peu des, si on peut dire, de la liste de toutes les œuvres qui sont publiées, c'est de voir, c'est ça que, au fil du temps, puis plus récemment, ça s'est ouvert, hein, parce que souvent, quand on pense à l'intégration, on pense à la sculpture, on pense à des éléments qui sont, après l'architecture, comme Marie-Claire l'a souligné, murales, des choses comme ça, mais de plus en plus, moi, je me rappelle avoir fait des recherches, puis avoir vu, tu sais, une Dévora Neumark, là, à Montréal, qui avait initié un projet relationnel avec les, ouais, les usagers du lieu. C'est un moment, ça, une œuvre de Dévora Neumark dans un CHSLD. C'est ça. Difficile de répéter deux fois, CHSLD, qui a demandé aux usagers d'intervenir, de leur partager, mais au tout début des années 2000, c'était un cas, tout le monde en parlait, alors mm-hmm. qu'aujourd'hui, il y a des cas qui se sont développés. Je pense à Richard Baillargeon, il y a quelques années, qui a fait ça aussi dans la région de Sacré-Cœur. Cette interaction-là, il y a plus d'occurrences de ces phénomènes-là, oui, dans l'art de la commande, dans la politique du 1%. Oui, Ludovic. Des nouveaux types d'interventions aussi, il y en a un... pas mélanger entre le CUSUM puis l'autre hôpital, le méga-hôpital à Montréal, mais c'est une résidence sur 7 ans, je crois, dans les okay. locaux de l'hôpital. Puis là, il faut qu'il va sortir quelque chose à la fin de ça, okay. qui va être le 1%. Le 1%, donc une longue résidence suivie de l'œuvre qui va être produite au ouais, cours de tout ça. Ça peut être des photos, une sculpture... OK. Ah, ben c'est intéressant, parce que c'est ça, justement, je trouve ça bien, parce qu'aussi, mettons, à Montréal, on a vu au 222 Thierry Marceau, qui a fait une série de performances. La performance, on en parlera à la fin de l'émission avec notre collègue qui va nous en glisser un petit mot. Mais effectivement, donc c'est ça aussi, au fil du temps, bon, là, ça s'est peaufiné, on s'est ouvert aussi, hein, parce qu'on parle vraiment, quand on lit d'art actuel, réellement, donc, puis de s'ouvrir à ça, bon, il y a toute la question du défi de cet entretien-là qu'on abordera dans la prochaine section, mais moi, j'étais curieuse de savoir, vous, Lisanne, Jean-Pierre, étant là depuis, vous intéressant et étant dans le milieu depuis un bon moment déjà, je serais curieuse de savoir, justement, qu'est-ce que vous trouvez la part majeure de cette politique-là, par exemple, pour la connaissance de l'art public, pour les artistes aussi, qu'est-ce qui serait un des points majeurs d'apport de cette politique-là pour les artistes et pour le public en général? Ben, tout d'abord, ça fait vivre les artistes, oui, hein, ce qui n'est pas négligeable. Et ça permet aux artistes d'avoir des pratiques justement en art public et d'être confrontés à la population et aux fonctions, en fait aux vocations des édifices. Mm-hmm. Moi, je trouve que c'est... Bon, c'est vraiment excellent. Mm-hmm. Oui, Lisanne. Il y a des gens, il faut le dire, il y a des gens qui n'entrent jamais dans les galeries ou les musées. Mm-hmm. Leur seul contact avec l'art, donc c'est ça. Et il faut vraiment revenir avec le principe de la politique qui était de faire en sorte que les gens partout dans l'immense territoire, dans cette population dispersée du Québec, puissent être en contact avec l'art contemporain. C'est quand même... Il faut revenir quand même sur ces principes-là que ça me fait toujours plaisir de relire ce principe-là. Oui. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup, bon, du public, de la réception du public, tout ça, mais il faut revenir aux artistes, à cette nécessité du 1% qui permet aux artistes de rester dans leur région. Je sais pas, Jean-Pierre, c'est d'accord avec moi, mais il y a des artistes qui n'auraient pas pu rester dans leur région si la politique n'existait pas, qui vivent grâce à ces commandes de l'État. C'est vraiment super important. Je sais pas, Jean-Pierre, ce que tu en penses. Ben, c'est tout à fait vrai. En Abitibi, il y a des artistes qui vivent de l'art public, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, à Québec et à Montréal aussi. Oui, exact. Puis ça, c'est quand même quelque chose qu'on oublie aussi. On voit l'œuvre, on peut connaître le nom de l'artiste, mais il y a tout ça, ce que ça apporte, le fait qu'ils peuvent créer là, mais aussi, souvent, on pense pas au fait que cette œuvre d'art-là va aussi impliquer d'autres intervenants qui sont peut-être pas nécessairement dans le milieu culturel, mais tu sais, que ça fait vivre, hein, on peut lancer... La sous-traitance, c'est les techniciens... Des techniciens qu'on peut parler plus spécialisés, qui sont, oui, peut-être des gens, je sais pas, mais en métier d'art, par exemple, ou qui ont des spécialités là, bien spécifiques, mais ça fait vivre beaucoup de monde plus qu'un artiste, quand on y pense. Ça, c'est assez impressionnant, en fait. Puis il y a même des places, là, des gros ateliers de métal, là, d'usinage, mm-hmm. On est dans leurs plus gros clients. C'est quand même assez impressionnant. Oui, exact. On ne veut pas avancer nécessairement juste l'argument économique, mais ça fait vivre beaucoup de monde, tout ça aussi, pas un individu seulement. Oui, et c'est démontré que 80% des budgets qui sont accordés sont retournés immédiatement dans le milieu. Mm-hmm. Ça peut être les quincailleries, les fournisseurs de matériaux, des assistants, des techniciens, comme Ludovic le disait, des ateliers de fabrication de métal. Mm-hmm. Pas seulement le métal, mais comme plein de fibres de verre, béton. Ceux qui font les maquettes. Oui, c'est ça, j'allais dire. Les maquettes, mais oui. Et c'est énorme comme apport à la société. Souvent, il y a des gens qui vont dire, $500,000 pour une œuvre d'art, on aurait pu mettre ça Pour autre chose. Oui. Pour mettre des tables pique-nique autour des bâtisses ou du mobilier urbain. Mais non, c'est important. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est le pouvoir des œuvres d'art. Mm-hmm. C'est énorme, ça. Il y a des gens qui vont passer devant une œuvre d'art, une œuvre publique, et ils vont passer tous les jours devant l'œuvre. Mm-hmm. Et à chaque jour, ils vont avoir des informations supplémentaires. Ça aide à la compréhension et à l'acceptation des œuvres. Ça va m'amener à parler, vous allez en parler tout à l'heure, mais de la médiation. Oui. C'est qui est primordial. Ça évite beaucoup de dérapages. Hein? Oui, exact. Et moi, je trouve aussi que pour poursuivre avec l'idée de Jean-Pierre, c'est un mieux vivre l'art. Mm-hmm. Avouons-nous-le. J'ai un exemple en tête quand j'avais fait le fameux bilan. J'avais été très touchée. J'étais allée dans un centre hospitalier à Trois-Rivières. Et il y avait Elisabeth Mathieu qui avait fait une salle d'attente en radio-oncologie. Et on avait échangé avec le directeur du centre hospitalier tout l'échange, la recherche que cet artiste-là avait fait auprès des patients. De quoi on a besoin quand on a le cancer puis qu'on est dans une salle d'attente? Mmh. Oui. On n'a pas envie que les gens nous regardent face à face dans la salle d'attente. Les bancs ne doivent pas être face à face. On a envie de lumière. Donc, c'est une œuvre magnifique qui aide à vivre et même les gens qui les accompagnent. C'est ça. C'est pas juste d'être beau, mais qui a une signification, un sens qui va aller directement toucher les gens, les usagers qui sont là aussi. Là. Tout à fait. Donc, cette conception que l'œuvre d'intégration est accessoire, ou comme disait Jean-Pierre, bon, ce budget-là, il va où? Premièrement, tout ce budget-là ne va pas dans les poches de l'artiste, il faudrait quand même... C'est ça. Soyons aussi sérieux. Rectifier le 1%, parce que ce n'est pas 1% du budget qui va directement à l'artiste. Oui, exactement, c'est ça. Il y a des calculs qui se font, j'en ai fait un à Sept-Îles dans une prison, c'est 1% de l'espace public dans la prison, ça veut dire l'unité d'accueil, mm-hmm. les bureaux, qui ça, okay. ça réduit beaucoup le budget. Oui, ce 1%-là comprend tout l'administration, les rencontres avec les architectes, les ingénieurs, les comités. C'est ça. En bout de ligne, c'est pas 1%, c'est peut-être 0,5%. Oui. Moi, j'ai une petite anecdote pour poursuivre dans ce que Lisanne disait à propos du pouvoir des œuvres d'art. Ma conjointe, Martine Paquette, pendant qu'elle travaillait à la Galerie Lacerte, et un jour, il arrive un couple de Toronto, un jeune couple qui tu le sais, toi? Oui, okay. C'est qui, une très belle histoire. Un jeune couple qui vient visiter la galerie, il tombe en amour avec une œuvre de François Vincent, mais il ne l'achète pas. Plusieurs semaines ou mois plus tard, la dame rappelle pour savoir si l'œuvre est encore disponible. Et Martine va voir et elle dit oui, l'œuvre est disponible. Bon, la dame dit elle la paye par carte de crédit, puis elle dit envoyez-la à telle adresse. Elle rappelle quelques semaines plus tard pour la remercier parce que l'œuvre, c'est son mari qui était atteint d'une maladie grave et qui voulait fermer les yeux sur cette œuvre-là. C'est assez fort. Hein. Les œuvres d'art, là, ou tout simplement le collectionneur qui va acheter une œuvre, qui se dépêche à rentrer chez lui, soit pour pouvoir s'asseoir, prendre un verre de vin, puis regarder son tableau ou sa sculpture, c'est pas rien, ça. Oui, exactement. Eh bien, sur cette belle histoire, si vous permettez, on va prendre une petite pause musicale et on se revient pour continuer la discussion. On va aller écouter toujours une sélection de Simon Roy qui nous présente le groupe Cutside et on s'en va écouter l'extrait Triangulum. Alors, on est de retour à l'aérospatiale. On poursuit notre discussion sur l'art public et avec mon premier groupe d'invités, Lisanne Nadeau, Jean-Pierre Morin et Ludovic Bonnet. J'avais une dernière question pour vous, ce qui va me permettre après ça d'aller vers mes deux nouveaux invités qui viennent arriver en studio. J'étais curieuse de savoir, donc, l'art public, on parle, oui, que c'est là, c'est dans l'espace public. Parfois, ça arrive que on passe tout droit devant, qu'on la voit pas du tout, même des fois, hein, quand on dit c'est l'automatisme, quand on la voit trop souvent, on la voit plus, hein. Mais je me dis, comment on peut mettre davantage en valeur ce patrimoine-là? Est-ce que la médiation serait une avenue, par exemple, possible ou du moins souhaitable qu'on en parle davantage, qu'on fasse davantage de présentations de ces œuvres-là auprès des usagers, mais auprès du grand public aussi? C'est certain, c'est sûr, hein, Ludovic? Je crois que oui. Puis même, je crois qu'il y aurait les organismes qui acquièrent les œuvres, il faudrait qu'ils soient plus sensibilisés à la diffusion de ce qu'ils viennent d'obtenir, mm-hmm. puis que c'est pas rien d'avoir ça sur leur terrain. Exact, c'est que dans le fond, c'est pas juste, OK, on s'active pour mettre une œuvre là, mais que par la suite, il se passe quelque chose, qu'on la fasse vivre, en quelque sorte, cette œuvre. Exactement. Ouais. Parce que souvent, on pose l'œuvre, puis ça vient de s'éteindre. Oui. C'est ça un peu, je pense, un des gros travaux à faire encore aussi dans avec l'art public. Il y a une raison à ça. C'est que c'est un programme gouvernemental, c'est une politique. Donc, on est obligé d'installer une œuvre d'art. Il y a des gens qui sont sur les comités et il y a même des... C'est moins pire maintenant, mais il y a une époque où ceux qui dirigeaient les organismes ou les bâtiments où on devait installer des œuvres qui sont vraiment pas intéressés. Mm-hmm. Mais ça a beaucoup changé. Oui. Il y a une différence dans le sens-là. Ce que je parlais de Toronto tout à l'heure, c'est que là, ils veulent vraiment avoir une œuvre. C'est très différent. Mm-hmm. Comme ici, quand on présente un projet, on va parler pendant la majeure partie du temps de l'aspect technique. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est difficile d'entretien? Est-ce que ça va nuire au déneigement l'hiver? Tandis que à Toronto, je parle de Toronto, mais quand c'est des commandes, quand c'est des œuvres qu'on veut vraiment avoir, c'est très, très différent. Mm-hmm. Oui, je comprends. Mais je pense qu'il y a une évolution énorme. Il y a quelques années encore, les œuvres n'étaient même pas identifiées. Oui. Ouais. Alors, le ministère a dit, bon, ben vous êtes en concours, puis vous tout de suite, vous me donnez les informations pour la plaque, mm-hmm. avant même que l'artiste soit sélectionné, parce que nombre de fois, on est arrivé, on arrive devant une œuvre, puis on cherche, on sait pas. Je pense aussi au niveau des inaugurations. Avant, il y avait mm-hmm. plusieurs œuvres où on ne faisait même pas d'inauguration, où on ne présentait pas aux usagers l'œuvre en question. Aujourd'hui, on assiste à une certaine fierté. Mm-hmm. Les élus sont là, l'artiste. Donc, il y en a plus, surtout dans les projets dont on parlera tout à l'heure de médiation culturelle. Donc, développement du sentiment d'appartenance avec une communauté, tout ça. C'est pas tous les artistes qui peuvent comme travailler dans ce sens-là, mais on a de plus en plus de projets qui, formellement, sont des projets de médiation culturelle. Donc, oui. Là, déjà, il y a cette évolution-là. Mais, c'est ça, il y a encore des œuvres mais quand tu dis il y a des œuvres qu'on ne voit pas, c'est fou, mais je trouve pas ça nécessairement négatif. Il y a des œuvres mm-hmm. qui s'apprivoisent, qui s'expérimentent. Le fameux objet signalétique devant l'édifice, là, il peut y avoir tout autre chose. Et si l'œuvre, c'est une expérimentation, une expérience oui. de l'œuvre dans un passage, et qu'à un moment donné, on dit, « Oh mon Dieu, je change ma façon d'habiter cet espace-là, ou je change ma façon de circuler dans un espace », et que finalement, tu réalises que, OK, il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans les conventions du passage ou de la circulation, ça peut être aussi une façon d'investir l'espace public. Oui, oui, mais je le voyais pas nécessairement non, négatif, je le sais, mais c'est vrai que des fois, c'est ça, c'est un fait comme ça à souligner. Ouais. Bien, ça me permet de faire le pont avec mes deux nouveaux invités ici qui sont en fait Geneviève Leblanc, qui est consultante en culture, ainsi que Marc-Antoine Côté, sculpteur. Vous avez vécu ensemble vous étiez les premiers à vivre cette expérience-là d'une œuvre d'art. La Ville de Québec a un nouveau programme d'œuvre d'art en médiation culturelle. Geneviève, est-ce que tu peux juste peut-être nous glisser un mot sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Juste ce nouveau programme-là ici. Oui, effectivement. En fait, la Ville de Québec s'est dotée en 2013 d'un outil de gestion de l'art public qui se nomme la vision du développement de l'art public de la Ville de Québec 2013-2020. Et la Ville veut se démarquer par des œuvres singulières, augmenter la quantité d'œuvres d'art public sur son territoire. Et je me permets de faire la parenthèse, d'ailleurs, l'objectif jusqu'en 2020 était de 35 œuvres supplémentaires et cet objectif-là va être atteint en fait en 2017. Quand même. Oui, quand même. Et dans cette vision-là, il y a plusieurs axes de développement qui ont été réfléchis et celui qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est l'axe numéro 2 qui se trouve à être l'art et le citoyen. Donc, il y a une volonté d'impliquer le citoyen dans dans l'appréciation des œuvres d'art, dans l'appropriation des œuvres d'art publiques, mais aussi il y a un projet qui s'est développé récemment où est-ce que le citoyen s'implique dans le processus de création. Mm-hmm. Oui, et puis c'est justement ce que Marc-Antoine a vécu comme expérience, ce programme-là. Oui, absolument. Oui. Ben Marc-Antoine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience? En fond, c'était dans le parc de la Grande Oasis, dans la Haute-Saint-Charles, je pense, c'est ça, oui, l'arrondissement Haute-Saint-Charles? Tout à fait, puis c'était avec des enfants de 4-5 ans. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Parce quand même un public, particulier. Qui ont tout à apprendre, qui ont tout à voir. Puis on avait quand même une belle latitude pour développer des activités, puis aussi au fur des activités, des rencontres. Ah, OK, ben on va plus s'enligner vers là avec des enfants de 4-5 ans. Bon, c'était notre première expérience. Mm-hmm. C'était un peu la première expérience de la ville aussi pour des projets de médiation. Donc, c'était assez agréable pour ça. Puis, dans le fond, avec ces jeunes-là, qu'est-ce que tu as fait? Comment ils ont participé peut-être au processus de réflexion avec toi pour en arriver à l'œuvre finale? Bien, réflexion, on a été visiter, mettons, les passages insolites, on a été sur le bord de c'est quoi donc? La promenade Samuel de Champlain. Oui, voilà, oui. On a été voir des sculptures. Et moi, je me suis nourri de ça. On a fait exactement ce que je fais en atelier. Donc, des activités de maquette, puis le plus simple possible, en fait. Donc, c'était plus au niveau du jeu, expérimentation de différentes matières. Je travaille beaucoup avec l'aluminium, avec les métaux, donc papier d'aluminium, on le froisse. C'était vraiment dans c'est comme si moi, je ferais des maquettes, mais par les enfants. C'était vraiment les enfants qui participaient, puis moi, je touchais un petit peu à leurs trucs. Mais tu les laissais créer, s'amuser avec matière. Oui, avec des thèmes très simples, des objectifs très simples, parce qu'au final, on avait des rencontres d'à peu près une heure de temps. Mm-hmm. Une heure de temps, donc c'était limite comme temps, donc pour avoir un peu d'attention puis tout ça. Mm-hmm. Et puis, au bout de la ligne, ça l'a donné, ça, une pièce qui a été intégrée au parc là-bas, dans le fond, un peu pour ces utilisateurs-là, pour les enfants, en quelque sorte, j'imagine. Ben, quoi que les grands-enfants doivent s'amuser aussi avec cette pièce. Oui, absolument. Mais que... marque à l'intérieur. Oui. mais que juste les parents qui voient leur enfant rentrer dans une sculpture... Mm-hmm. Moi, quand j'ai vu les enfants la première fois rentrer dans la sculpture, jouer dedans, taper dedans, waouh, OK, c'est une autre relation à l'objet sculptural qui est dans un parc. On a le droit de toucher, on a le droit de taper dedans, on a le droit de... Oui, c'est ça. On est loin de l'objet intouchable qu'il ne faut pas toucher parce qu'il est fragile, il va tomber, il va se casser. Donc, on est dans une autre relation avec l'œuvre aussi. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, contrairement à un processus... d'installation d'une œuvre d'art publique habituelle, ben là, on était dans un concours, on sélectionne des finalistes. Et là, à l'issue du choix des finalistes, c'est pas des maquettes qui nous présentent parce qu'on sait pas ça va être quoi le résultat. Ouais, le résultat de l'œuvre, c'est une particularité, oui, parce que l'œuvre est née d'un échange entre l'artiste et le groupe de participants. Donc, l'artiste se lance dans le vide, en fait, parce qu'il sait pas. Il présente une idée de départ et ensuite de ça, ben ça suit le chemin des rencontres, des influences et du groupe d'enfants sur l'artiste et l'artiste sur les enfants, vice versa. Mm-hmm. Donc c'est un parcours qui est très intéressant et à la fin l'œuvre qui sort de ça. Bon, évidemment, c'est une œuvre qui est pérenne, donc c'est l'œuvre de l'artiste là. C'est pas les enfants ne la fabriquent pas. Quoi qu'ils peuvent participer légèrement, mais ça donne vraiment une œuvre qui serait pas rendue possible sans cette rencontre-là. Oui, puis je pense aussi que de cette rencontre-là, de cette participation-là, c'était les jeunes enfants, mais je pense aux autres concours aussi. Par exemple, Charlebourg, c'était Florent Cousineau qui était avec un groupe de bénévoles, mais aussi on a la prochaine pour Beauport qui va être avec Jean-Robert Douillard. C'est des jeunes adolescents, 14-17 ans. Mais je veux dire, ces gens-là ne veulent pas aussi deviennent, en quelque sorte, je pense, des médiateurs, des gens qui vont faire la courroie de transmission avec l'œuvre, justement. Donc, ça ouvre les possibilités de cet objet-là qui est là dans l'espace public, mais pour à toutes sortes d'interprétations, mais aussi, je veux dire, bon, les jeunes en tant que tels vont devenir cette courroie-là. Oui, les jeunes, ils en parlent à leurs parents, puis là, un des bons commentaires, puis ça m'a touché beaucoup, ben crime, en cause que notre enfant faisait partie de cette médiation-là, mm-hmm. on va aller voir des expos, on va se donner une fois par mois, on va aller dans les galeries d'art, mm-hmm. on va aller voir ça, c'est extraordinaire, puis ça, c'est tentaculaire. Là. C'est vraiment contagieux, finalement. Oui, donc, c'est encore plus que la personne, c'est que cette personne-là va en influencer plusieurs, donc c'est quand même, je pense, un point super intéressant de ce type d'œuvre d'art-là, donc de médiation culturelle que la ville a implantée. Ça rayonne, puis c'est justement, tu sais, on parle de ce petit noyau-là, c'est à peu près, je sais pas, une dizaine de personnes à peu près qui en parlent à leurs parents, qui en parlent à leurs grands-parents. Ensuite de ça, c'est tous les citoyens du quartier qui voient l'œuvre. Et on parlait justement des plaques explicatives qui sont à côté des œuvres. Bien là, c'est indiqué que l'œuvre que vous voyez là, dans le parc, dans votre quartier, ça a été fait avec avec le petit voisin, donc ça aide les gens à s'approprier cet art contemporain qui des fois est incomprise parce que on n'a pas toutes les clés pour comprendre ça quand on n'est pas dans le domaine des arts visuels. Donc ça peut permettre justement d'ouvrir certaines portes. Donc c'est intéressant dans ce sens-là aussi. Oui, exactement. Puis bon, c'est plate, j'ai perdu mon idée que je voulais que je voulais dire, mais enfin c'est je trouve ça très intéressant. Puis j'étais curieuse de savoir, peut-être pour terminer avec ça, Marc-Antoine, est-ce que cette expérience-là t'a apporté quelque chose de particulier, a changé peut-être ou modifié une approche que t'as normalement en atelier? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, cette expérience-là? Oui, de plus se laisser aller au final, on avait un plan en tête, on va faire telle et telle activité, mais une semaine plus tard, on va faire tel autre type d'activité, mais d'avoir ce même esprit-là dans mon atelier, que je vais commencer de quoi, je vais tout laisser ça là, je vais recommencer un autre trail. Ça, je retiens beaucoup de ça. Ça me fait quand même grandir que les autres, les jeunes, ils poussaient sur des trails, c'est où qu'ils s'en vont avec ça. Mm-hmm. Permet d'explorer, d'expérimenter. On se laisse lousse pour expérimenter. Oui, plus okay. Sans trop se poser de questions. Mm-hmm. On laisse aller les choses. T'sais, on a des bonnes idées au départ, mais non, on va l'évacuer, on va aller chercher ailleurs. Super. Ça, on l'oublie des fois de chercher un peu ailleurs pour en revenir. Voilà. Intéressant. Jean-Pierre, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Moi, ce que je vois de ces projets de médiation, c'est que ça permet à l'artiste d'aller plus loin, mm-hmm. à tout le moins d'aller là où il ne serait pas allé. OK. Et puis, ça, je trouve que c'est vraiment important, ça. Parce que, par la structure de la médiation, l'artiste n'est plus en concours. Il a été choisi. Mm-hmm. Ça fait une grande différence. Ça nous donne beaucoup plus de liberté. Et je suis certain qu'on va plus loin. Oui. Ça devrait être comme ça, quelque part, c'est pour l'intégration des arts à l'architecture. Il devrait y avoir des comités pour choisir des chefs de sélection. Choisir un artiste, on devrait lui dire, c'est toi qui fais le projet. Mm-hmm. C'est à toi qu'on demande de faire le projet. Moi, je suis certain que le simple fait de ne plus être en concours, ça permet aux artistes d'aller beaucoup plus loin. Moi, je l'ai vécu avec le Musée des Beaux-Arts. Oui. Le sculpteur qui est devant. C'était pas un concours. Mm-hmm. Parfait. Lisanne, peut-être une dernière intervention. Très rapidement, parce que moi, étant donné que mon conjoint, c'est Florent Cousineau, j'en ai suivi des projets de médiation culturelle. Je voudrais juste souligner, c'est intéressant, cette façon de faire en sorte qu'un certain groupe avec lequel l'artiste travaille devienne spécialiste de sa propre expérience. Faut pas confondre animation culturelle et médiation culturelle. Oui, exact. Donc, quand, justement, comme Jean-Pierre dit, on fait confiance à l'artiste d'aller à la rencontre, de s'intégrer dans une communauté, on les transforme en spécialistes de leur propre expérience d'un environnement ou je pense au projet à l'appel, l'association de protection des eaux du lac Saint-Charles. Bon, il y a eu un projet de médiation culturelle il y a quelques années, mais ces gens-là, ils sont spécialistes, ils sont soit dans le domaine de l'environnement, de l'écologie, horticulteurs où ils s'impliquent et deviennent spécialistes de leur environnement. Et là, cette rencontre entre un spécialiste de la recherche en arts visuels et des spécialistes de leur propre expérience. Mais dans cette rencontre-là, il y a quelque chose d'assez assez extraordinaire qui se produit. Donc, pour les gens qui connaissent pas trop le processus de la médiation culturelle, je pense que c'est important de souligner, on fait pas de la, c'est pas juste de la vulgarisation, puis c'est certainement pas de l'animation culturelle, mais non, c'est une rencontre, tout l'aspect du dialogue, de l'enrichissement mutuel. Oui, d'échange. Exactement, oui. Ouais. Eh bien, vraiment, merci. Merci à tous d'avoir été avec nous dans ce premier bloc qui a bien sûr dépassé le temps qu'on espérait, mais vraiment, ça nous a donné lieu à des discussions extrêmement intéressantes. Puis je pense aussi qu'on peut voir tout le potentiel encore qu'il peut y avoir avec ces programmes d'art public, d'intégration des œuvres à l'architecture. Je vous remercie beaucoup et puis on va continuer justement. Je pense que ça va allumer les gens davantage sur ce qui va se trouver dans la ville. Nous, on va aller faire une très courte pause musicale et on vous revient pour un deuxième segment de cette émission spéciale sur l'art public à Québec. Nous sommes de retour pour cette deuxième moitié d'émission dédiée à l'art public. Audrey Caro toujours à l'animation. J'ai des nouveaux invités avec moi en studio, mais aussi au téléphone. En studio, j'ai Vincent Roy, le directeur général et artistique de Ex-Muro Art Public. Bonsoir. Bonsoir. J'ai mon collaborateur Julien Saint-Georges qui est avec nous ici. Allô Audrey. Et au bout du fil, j'ai Suzanne Guy qui est en fait documentariste. Et elle a réalisé, à vrai dire, le documentaire Scraper l'art, mais aussi de très belles séries sur l'art public qui sont diffusées sur les ondes de Art TV. Bonsoir, Madame Guy. Oui, bonsoir. Alors, bien, peut-être j'aurais envie de vous lancer une première question, puis on va y aller avec Madame Guy, peut-être en premier ici. J'étais curieuse, on voulait, dans ce bloc-ci, parler de pérennité des œuvres d'art dans l'espace public, mais aussi de projets éphémères également. Puis j'étais un peu curieuse de vous poser comme question, est-ce que l'art public se doit d'être absolument pérenne? Hein? Parce que c'est quand même une notion qui est, très très floue, hein, si on peut dire. Qu'est-ce que c'est de l'art pérenne? Mais selon vous, Madame Guy, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça doit être absolument pérenne, l'art public? Ça dépend toujours... comment ça a été demandé à l'artiste, parce que quand on est dans la politique de l'intégration des arts en architecture, par exemple, ce qu'on demande à l'artiste, c'est une œuvre qui va durer dans le temps, qui va être permanente, et puis on lui demande que ce soit même au-delà de 25 ans, sans aucune transformation ou ajout pour la restaurer ou quoi que ce soit. Donc, il y a des demandes très, très spéciales. Mm-hmm. Je pense que les artistes aussi ont très envie que leur œuvre reste dans l'espace public longtemps. Cela dit, il y a d'autres façons de faire de l'art public, l'art éphémère, même l'art spontané. Il y a des artistes qui décident eux-mêmes de créer des œuvres sans le demander à personne et puis d'investir l'espace public. Ça existe aussi. Donc, ça dépend toujours. Oui. Si on parle du film Scraper l'art, c'est ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres qui ont été laissées à l'abandon, qui ont été négligées, oubliées, puis après ça, on s'est servi de cet oubli-là, puis des traces du temps pour définitivement les enlever de la place publique. Ça, c'est un peu plus triste. Oui, effectivement, c'est un sort beaucoup plus sombre, mais enfin, je veux dire aussi, quand on regarde, par exemple, Vincent, toi, t'es plus dans les projets éphémères sur une période déterminée. Il y a peut-être pas le côté, bon, de pérennité longtemps dans le temps, mais reste que dans ce court espace, temps-là, il y a quand même du vandalisme ou enfin, du moins, des petites surprises qui peuvent arriver en cours de route. Ouais, ben la durée c'est relatif, comme disait Madame Guy, ça dépend toujours du projet, du programme. Mm-hmm. Je pense que ça s'applique aussi à toute forme d'art. Dans le fond, on doit décider est-ce que c'est une œuvre que je dois créer, même si c'est pas de l'art public, est-ce que je dois créer pour les générations futures, les centaines d'années, est-ce que c'est une œuvre que je veux que ça soit dans ma collection personnelle et que ça soit accessible encore dans les autres siècles, ou c'est une expérimentation, on fait quelque chose puis après ça on continue. Donc on ne doit pas toujours non plus penser que ça va être éternel. C'est ça, oui. Parce que sinon, c'est le choix des matériaux. Ça coûterait une fortune et puis une lourdeur aussi là-dedans. Mais bon, moi, je vois... Ben, mon travail, effectivement, c'est plus dans l'éphémère. Mais moi, je dirais plutôt temporaire. Temporaire, oui. Parce que permanent, tu vois, je les classifie peut-être en trois gros temporalités, justement. Le permanent, le semi-permanent ou le temporaire. Et l'éphémère. Donc, les projets, dans le fond, après ça, quand on monte un projet d'éphémère, ben, c'est pour une semaine, peut-être deux semaines, quelque chose de plus événementiel, avec des choix des matériaux plus légers. Puis ensuite, ben, dans le temporaire, ben, comme les passages insolites, il faut que ça dure 4 mois. Puis 4 mois dans les intempéries, c'est comme, il faut penser 1 an, 2 ans. Là. Il y a des œuvres qui sont encore bonnes pour plusieurs années. Donc, il faut vraiment utiliser la bonne échelle, les bons matériaux pour le nombre d'années qu'on veut que l'œuvre existe, en fait. Oui, parce que souvent, quand on pense à l'art public ou à l'art dans l'espace public, c'est comme une généralité, là, ce que je vais dire là, mais on a l'impression que ça va durer, ça, comme tu le disais, Vincent, éternellement, là, ou des années et des années, là. Mettons, on peut penser aux pyramides, bon, c'est pas de l'art public, là, mais tu sais, reste qu'on a des exemples comme ça de choses qui ont passé le temps, passé les différents siècles, puis je veux dire, c'est souvent ça, peut-être, l'erreur qu'on a quand on pense à l'art public, c'est de dire ben ça va rester longtemps, longtemps dans l'espace public, mais finalement, il y a toujours une certaine fin. Hein? Puis même le ministère qui a fait un cahier des bonnes pratiques pour la pérennité des œuvres, ben encore là, mentionne, puis j'ai été quand même surprise de le voir, que c'est très relatif tout ça. Dans le fond, c'est le comité qui va décider de la longévité qu'ils veulent donner à cette œuvre-là. Et puis, peut-être, Madame Guy, j'étais curieuse de vous poser la question parce que, bon, ce documentaire-là, je pense, Scraper l'art, remonte à 2011, si je ne me trompe pas. Il a été diffusé en 2011. Oui. Et puis, dans le fond, moi, j'étais juste curieuse parce que je sais que vous êtes toujours, donc, avec vos séries télé vues par hasard, mais aussi à tout hasard, qui s'intéressent à l'art public. J'étais curieuse de savoir, est-ce que vous avez pu remarquer depuis le début de vos recherches, si nos, enfin, mentalités, ou du moins les propriétaires de ces œuvres d'art publiques-là sont un peu plus concernés, préoccupés par la préservation des œuvres parce que vous avez trouvé là des exemples un peu aberrants là, dans votre documentaire, mais est-ce dans qu'on le documentaire, est plus conscient mais de je ça? Pense que j'allais chercher vraiment ça aussi, c'était mon propos. Mm-hmm. Mais après ça, quand j'ai proposé à RTV la série Vue par hasard, c'était parce que moi j'avais besoin d'entendre parler et de voir de l'art public qui allait bien. Mm-hmm. C'était pas parce que les artistes des fois pouvaient pas me raconter une histoire triste. Tout le monde, tous les artistes en ont à raconter des histoires qui sont moins drôles sur leurs œuvres et sur comment on les a accueillis ou comment on les a négligés. Ça existe encore, mais par exemple, il y a une œuvre de Michel Saunier qui est dans un parc qui est au parc de la Domtar à Montréal. C'est un totem de tête d'ours. Et puis quand moi je voulais filmer cette œuvre-là pour la deuxième saison, là, pour la série qui n'a pas encore vu le jour à la télé, là, mais mm-hmm. qui s'appelle « À tout hasard ». Alors, on a demandé la permission, et puis les gens de Domtar, ils ont dit « Oui, mais on voudrait la restaurer avant ». Oh, j'ai dit « C'est une très bonne idée ». Alors, est-ce qu'on peut filmer la restauration? Alors, c'est ce qui s'est passé. L'artiste a trouvé un artisan avec qui il travaille, et puis il y a eu une restauration, parce que eux, ils étaient très conscients de vouloir mettre leur jardin sous le plus beau jour avec leur sculpture sous le plus beau jour. Donc c'est une bonne idée de poser les yeux puis de regarder les œufs puis de s'en inquiéter comme mm-hmm. comme moi j'ai fait ou comme d'autres font aussi. C'est souvent, je pense, les citoyens qui sont les meilleurs défenseurs et dépositaires de la force qu'il faut pour garder des œuvres d'art publiques dans leur environnement, parce que s'ils se les approprient puis les aiment, ils vont les défendre. Oui, exactement. C'est important de le souligner, cette appropriation-là qui est peut-être plus forte avec l'art public aussi que, par exemple, des œuvres qui sont dans les musées ou ces choses-là. Je me dis que quand il est dans l'espace public comme ça, bien c'est plus facile pour les gens qui la côtoient de l'apprécier, puis de l'expérimenter sur le long terme aussi. Hein. Je pense qu'il y a ça dans l'expérience, peut-être, Vincent, aussi, de tu sais, je pense, mettons, le passage insolite, quand ils sont comme ça pendant quatre mois, je pense, tout ça, ben, les gens ont quand même le temps de les côtoyer. Je pense aussi à d'autres projets que Exmuro vous avez fait, là, que par exemple les boîtes sur les boîtes électriques, les collants, ben, c'est toujours encore là, puis ça fait déjà plusieurs années que c'est là dans l'espace. Oui, puis c'est faut choisir des œuvres ou des artistes aussi qui. Tu sais, par exemple, on parle de temps, c'est intéressant parce qu'une œuvre d'art public pérenne, elle peut prendre 10 ans, 20 ans avant d'être appréciée à sa juste valeur, ou c'est juste une question d'époque. Des fois, les artistes sont un peu plus précurseurs, puis là, c'est juste pas dans la bonne époque, puis à un moment donné, hop, ils deviennent super populaires, puis nous autres, dans le temporaire, ben je veux dire, tu peux pas considérer ça. Ça va être juste dans l'autre échelle. Ça peut être une semaine, ils vont être surpris, puis hop, ils vont commencer à aimer ça tranquillement. Donc, c'est juste une question d'échelle, puis je trouvais intéressant le parallèle que tu faisais aussi avec la temporalité, c'est qu'on vit dans une époque aussi que tout doit être accéléré. Un peu, tu sais, le consommer jeté, le zapping, puis les jeunes sont encore plus. Écoute, c'est pour ça que je pense qu'il y a une demande un peu plus pour le temporaire, pour l'éphémère. Mm-hmm. Tu parlais l'exemple des pyramides, probablement qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient éphémères à cette époque-là, tu sais, on parle même de la civilisation grecque aussi, je veux dire, c'est des choses, ça existe encore maintenant. Mais si, quand ils faisaient quelque chose, je pense que c'était vraiment pour durer, ils se posaient pas la question nécessairement de... Mais dans le fond, est-ce que tu proposes peut-être même que, admettons, l'éphémère ou le temporaire, ça peut être plus adapté à l'espace public maintenant, admettons, que le pérenne? Pas plus adapté, mais peut-être dans une bonne période, dans le fond. Je pense qu'on a besoin de donner du dynamisme aussi à l'espace public, un rythme, un souffle, peut-être plus en équation avec le rythme de vie des gens, je sais pas, peut-être. Ou vraiment venir casser ce rythme-là. En tout cas, aussi, je pense qu'on peut se permettre aussi d'être un peu plus audacieux, plus exposé, plus quitte à choquer un peu, mais tu sais, on n'est pas, en parenthèse, pris c'est avec ça. Une œuvre. Ça le permet. Toujours. Ça donne de la liberté dans la forme que tu vas donner aussi. Exact, c'est ça. Puis le but, c'est toujours, est-ce que c'est un peu aussi de t'intégrer, admettons, à l'espace public? Dans le sens, c'est vraiment comme essayer de communier, tu sais, avec soit les passants ou, mettons, le design urbain. Ah, toujours. Ouais. Effectivement, c'est une œuvre réussie, c'est pas l'œuvre elle-même tout seul, c'est ce qui est autour aussi. Comment elle va dialoguer avec soit les gens, soit le building en face, la lumière qui vient, le temps de la journée. Donc, tout doit être vraiment en symbiose. Là. C'est pas juste une super œuvre qu'on va être dans une galerie. T'as mis dehors, dans un lieu que t'as pas réfléchi, ben, ça va peut-être passer inaperçu ou ça n'aura pas le même impact. Donc, tu as tout ça à réfléchir. Là. Ça, pour moi, ça fait un terrain de jeu encore. Très intéressant aussi parce qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent, puis les facteurs se modifient selon les saisons, selon l'heure de la journée, le pouls aussi, est-ce que l'été, en tout cas, bref. Julien, je sais aussi que tu voulais nous glisser un petit mot parce que dans le fond, tu vas faire pour nos auditeurs un billet sur des projets davantage temporaires, éphémères, dans l'espace public. Oui, pour essayer de pousser un peu plus la réflexion qu'on a amorcée, dans le fond, qu'on finit avec aussi l'émission en ce moment. C'est tous des projets, dans le fond, qui sont au Québec ou qui sont à Québec. Je vais parler notamment de Émergence 2000, un événement qui s'est passé en 2000, dans le fond, en dessous des échangeurs du frein. Dans le fond, multidisciplinaire, performance, conférence. Faire un petit biais aussi sur le premier projet du 1% qui est seulement de la performance. Thierry Marceau. On en a glissé un petit mot vite tantôt, Vous irez lire sur notre site. Puis, on a aussi contacté, dans le fond, un spécialiste des pratiques d'art public furtives, infiltrantes. Le professeur en histoire de l'art, Patrice Loubier, qui a été chroniqueur aussi à CKRL dans les années 90. Ah, wow! C'est ça qu'il me disait. En plus, il va donner une conférence aussi à Québec le 12 novembre prochain, je pense, aussi à l'École des arts visuels. Donc, c'est super. Alors, on va pouvoir lire tout ça sur le blog l'aérospatialckrl.wordpress.com. Donc, je vous invite tous à aller voir ça. Et, Madame Guy, je vous remercie beaucoup et peut-être on aura l'occasion de se reparler, nous, probablement en janvier, pour parler justement de cette série à tout hasard là, qui sera diffusée prochainement sur les ondes d'Art TV, mais aussi à Québec. Oui, il va y avoir une présentation spéciale au Musée national des beaux-arts du Québec a décidé de présenter la série en rafale pendant toute une semaine entre le 23 et le 31 janvier. Gracieusement pour tous les gens de Québec qui vont vouloir voir la série. Donc, c'est vraiment spécial parce que la série, après, elle va être vue à Art TV au printemps seulement. Bien, c'est super. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, même à distance comme ça. Ça a été fort agréable de vous avoir. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été parmi nous et Vincent Roy aussi pour cette participation-là. Merci beaucoup. Alors, nous, on se quitte là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous et n'oubliez pas, vous pouvez écouter donc l'émission à balado-diffusion sur la page de l'émission. Merci beaucoup. Je prends une petite pause, moi, de 2 semaines. Ce sera Jean-Pierre Gay qui sera à l'animation pour les deux prochaines émissions. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à mardi prochain. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com. CKRL 89.1. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Du 10 au 28 novembre, au Théâtre Périscope, découvrez Sauvageau avec Paul Savoie et Gabriel Zabot. Le Huffington Post, la mise en scène de Christian Lapointe offre un spectacle remuant et touchant.